Le conte des trois arbres. Il était une fois, sur une montagne, trois petits arbres qui discutaient de ce qu'ils feront quand ils seront devenus grands. Le premier petit arbre, émerveillé par les étoiles et la lune, disait « Moi, quand je serai grand, je voudrais qu'on me transforme en coffre à trésors et qu'on me remplisse d'or et de toutes les plus belles pierres précieuses du monde. » Le deuxième petit arbre, qui aimait à regarder scintiller sous la lune les eaux claires de la rivière, avant qu'elle ne se jette au loin dans les vagues d'écume de la mer, disait « Je voudrais qu'on me transforme en un véritable trois-mâts, commandé par un vaillant capitaine et affronter tous les océans du monde. » Le troisième petit arbre se plaisait à regarder les lumières des villages qui brillaient dans les yeux des enfants au jour de fête. « Moi, quand je serai grand, je voudrais être encore plus grand que grand et tellement grand que chaque fois qu'on me regardera, on sera obligé de lever très haut les yeux et comme cela, on pensera à Dieu. » Le temps s'écoula longtemps au grand sablier de la montagne, au murmure des sources, au clapotis des ruisseaux. Les printemps succédèrent aux hivers, puis laissèrent la place aux étés. Les trois petits arbres avaient changé, pris de la force, de la stature, un tronc vigoureux, des branches et des branchages. Un matin d'automne, des voix résonnèrent sur le sentier. Les oiseaux firent silence. Les arbres se mirent à trembler de toutes leurs feuilles. Trois bûcherons s'approchèrent des arbres. Le premier bûcheron, regardant le premier arbre, le déclara parfait et à grands coups de hache le fit tomber sur le sentier. Le deuxième bûcheron, voyant le deuxième arbre, le trouva vigoureux et à grands coups de hache le coucha sur le sol boueux. Le troisième bûcheron se chargea du troisième arbre et à grands coups de hache, il le fit culbuter dans l'allée. Les trois arbres gisaient maintenant sur le flanc de la montagne. Chacun sous son écorce imaginait la suite de son destin. Le premier arbre allait enfin pouvoir vivre le rêve de sa vie. Il se retrouverait bientôt dans la bonne odeur de colle et de copeaux de bois de l'atelier du menuisier. Mais il ne savait pas encore que dans les commandes du jour ne figurait pas le moindre coffre à trésors, mais seulement des mangeoires pour les animaux. Après 2 jours et 2 nuits de voyage, le deuxième arbre allait enfin se retrouver sur les galets gris du chantier naval. Les cris aigus des mouettes lui tournaient déjà la tête. Quant au troisième arbre, qui n'était plus que désespoir, on le débita en poutres qu'on mit à sécher le long d'un mur chez un charpentier. Beaucoup de mois, beaucoup d'années passèrent sur les rêves détruits des trois arbres. Beaucoup d'insectes dans leur bois, beaucoup d'araignées, beaucoup de poussière, beaucoup de désespérance. Les arbres avaient fini par oublier leurs rêves. Ils étaient cicatrisés. Ils s'étaient installés dans les torpeurs de l'habitude. Ils n'attendaient plus rien. Le premier arbre devenu mangeoire ne sentait même plus la caresse des animaux tirant sur le foin. Quand une nuit d'hiver, la douce lumière d'une étoile se posa sur lui. Un jeune homme et une jeune femme vinrent s'abriter dans l'étable. Au milieu de la nuit, la jeune femme mit au monde un bébé que l'homme coucha dans la mangeoire. Ainsi, le premier arbre comprit que son rêve se réalisait. Encore bien des coups de vent, des jours de pluie, des hivers glacés passèrent sur les rives du lac, où le deuxième arbre devenu petite barque de pêcheur pourrissait lentement dans une mauvaise odeur de poisson. Lorsqu'un soir d'été, un groupe d'hommes voulut traverser le lac. Ils embarquèrent et soudain, au milieu du lac, une tempête se leva comme on n'en avait jamais vu. L'homme qui semblait être le chef se leva dans la barque, tendit les bras et calma la tempête. Ainsi, le second arbre comprit que son rêve se réalisait. Peu de temps après cet événement, la ville se mit à résonner d'une étrange rumeur. Les gens étaient énervés. On entendait des cris, des bottes de soldats. Ça sentait la violence, la vengeance, l'injustice. Des hommes vinrent retirer de son hangar et de sa torpeur le troisième arbre transformé en poutre. Ils mirent ces poutres en croix, et sur cette croix, ils clouèrent le Fils de l'homme. Le troisième arbre sut alors que son rêve se réalisait, puisque désormais, chaque fois qu'on le regarderait, on penserait à Dieu.